Bilan de temps, tant de labeur, tant de souffrance sur terre. Y'a quelques temps de l'heure du rédempteur. C'est dans l'attente de l'enlèvement que le LV reprend. C'est comme ça, en un instant. En un instant, le souvenir de ma vie sur terre s'envolera. Et chaque instant, tout mon être est empreint, sera désormais transformé. J'aurais pourtant perdu plus que ma vie pour entrer dans ce pays promis. Cette demeure éternelle où le cœur du Père m'est ouvert pour l'éternité. Quand on vit, on quittera ce monde comme convenu, comme convenu. Réalise, quand on vit, on quittera ce monde en un instant, comme convenu. Réalise, quand on vit, on quittera ce monde comme convenu, comme convenu. Réalise, quand on vit, on quittera ce monde en un instant, comme convenu. Quitter cette terre, plus qu'un désir, une recherche. Comme me dit, j'ai besoin d'air, le ciel me tend la perche. À quelques temps des cieux, je fly en quête de courant chaud. En bois, c'est d'ail, un monde froid comme un texte sans mots. Tu sais, je suis point du genre à morfon ni à me fondre dans la masse. J'ai longtemps erré dans ma life sans autant que ça le fasse. Et maintenant, si je lève les yeux et que j'attends patiemment son retour, c'est que je rêve d'enlèvement. La figure se monte pas, Shannon. Tout enclin à disparaître, faut que tu te prennes en main, bonhomme. Le monde va se détruire et un monde nouveau devant toi va s'ouvrir. Garde la foi, que je sois sûr qu'on se reverra, qu'après mon départ on se retrouvera. La vie c'est quelque part dans l'au-delà, crois-moi. Maintenant je vois ma vie à travers les anges, je vois le ciel de mes yeux. Tout est beau, merveilleux, l'univers semble tout petit sous mes yeux. Écoute bien ce que j'ai à dire, faut aller loin, s'élargir. Si tu l'atteins de tes mains, tu connaîtras l'infini mieux que l'avenir. Réalise, quand on vit, on quittera ce monde comme convenu, comme convenu. Réalise, quand on vit, on quittera ce monde en un instant, comme convenu. Réalise, quand on vit, on quittera ce monde comme convenu, comme convenu. Réalise, quand on vit, on quittera ce monde en un instant, comme convenu. Je vois mon corps, mon être entier se ruer sur le sol. Je sens en moi l'appel à joie de voir mon rédempteur. Mon âme s'élève toujours plus haut pour atteindre ce trône. Je suis heureux, oh oui heureux. Je sais que pour moi la douleur ne sera plus. Fini le mal, fini les pleurs. Oui je serai pour toujours auprès de lui. Oh, oh, oh, oh. Réalise, quand on vit, on quittera ce monde comme convenu, comme convenu. Réalise, quand on vit, on quittera ce monde en un instant, comme convenu. Réalise, quand on vit, on quittera ce monde comme convenu, comme convenu. Réalise, quand on vit, on quittera ce monde en un instant, comme convenu. Réalise, quand on vit, on quittera ce monde comme convenu, comme convenu. Réalise, quand on vit, on quittera ce monde en un instant, comme convenu. Réalise, quand on vit, on quittera ce monde comme convenu, comme convenu. Réalise, quand on vit, on quittera ce monde en un instant, comme convenu.